J'déploie mes ailes comme un SLR. J'déploie mes ailes comme un SLR. SLR, SLR, SLR. SLR, SLR, SLR. J'fais mon charbon, j'suis un hustler. J'garde les fers comme un receleur. Receleur, receleur, receleur. Receleur, receleur, receleur. Charbon, je suis un hustler. Je garde de faire ça comme un receleur. Receleur, receleur, receleur. Receleur, receleur, receleur. Charbon, je suis un receleur. Je garde faire ça comme un receleur. Receleur, receleur, receleur. Receleur, receleur, receleur. Ça veut